Bonjour amis Balance, on va voir pour vous quel est le message de l'oracle de Béline pour le mois de mars 2023. Et là, j'ai encore une carte qui tombe. Bon, ben on va la prendre en coupe. C'est la découverte. La découverte, donc apparemment vous allez apprendre quelque chose en ce mois de mars. Mais en prendre quoi? Alors, on va voir quel est le petit tirage de votre mois de mars, ami Balance. Quel est le petit message de l'oracle de Béline pour vous? J'essaie de... Voilà. Ah! Ouh! Alors, attendez. Oula. Oui, ben écoutez, c'est une période pas facile pour vous en ce moment, j'ai l'impression. C'est vrai que dans la carte qui est tombée, que j'ai pris en coupe du coup, c'est la carte de la découverte. C'est comme si vous attendiez, vous espériez. La longue-vue, elle regarde les étoiles et elle espère que les choses s'améliorent. Elle attend que les choses s'améliorent. Ici, moi j'ai l'impression que ces derniers temps, ben, vous avez été... Soit vous vous êtes senti seul, soit vous avez, soit simplement, c'est vrai que même accompagné, vous avez pu vous sentir peut-être désarmé dans une situation dont vous ne trouviez pas l'issue. Et dans ce cas-là, ben, les autres ne peuvent pas grand-chose pour vous. Et heureusement, devant vous, vous avez quoi? Vous avez le plaisir. Donc, par rapport à cela, vous aimez, vous êtes balance, hein, vous aimez, vous êtes vénusien, vénusienne, vous aimez le plaisir de la vie, l'hédonisme. Et y a des manques par rapport à cela. Pour le moment, on dirait que les tracas prennent le dessus. En effet, le cloître indique que, et la trahison indique que des soucis au mois de mars. Alors, ça a pu commencer en février, mais en tout cas, au mois de mars, vous êtes assez inquiète par rapport à de l'adversité, par rapport à une situation dont vous avez un peu de mal à vous extirper, et donc vous vous sentez bloqué. Alors, heureusement, par rapport à cela, on a quand même la grâce en résultat. La grâce, elle vous demande... Alors, attendez, je vous la montre. La grâce, elle vous demande, elle vous dit déjà que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas seul, hein, que au-delà des amis de la famille, il y a des protections célestes et que vous allez normalement pouvoir vous en sortir. Cela peut également, si vous n'êtes pas vraiment dans les croyances, cela peut vouloir dire simplement que vous devez faire appel à votre âme en vous, à votre vie spirituelle intérieure, pour affronter, vous avez tout le potentiel en vous, vous avez la ressource en vous-même pour affronter ces problèmes-là, vous voyez. Et donc c'est vrai que le mois de mars il est encore coussi coussa, je suis désolée, je ne peux pas creuser avant de vous dire une bonne nouvelle, mais malgré tout, vous allez pouvoir maintenir l'équilibre et petit à petit les choses vont s'améliorer. Donc, n'hésitez pas, surtout, vous balance, vous aimez vous confier, n'hésitez pas à vous confier à des personnes qui sont vraiment de bons conseils. Évidemment, pas à tout le monde, à une amie ou un ami intime. Et ne restez pas seul dans cette situation, mais les choses se décanteront assez rapidement. De toute façon, normalement, le mois d'avril sera bon pour vous. Alors, bon courage.